89 1 1 1. Le dîner de cons est une présentation de musique Daniel Côté, 1645 rue Royale, Trois-Rivières. Bonjour et bienvenue au dîner de cons. Bonjour Mathieu. Salut André. Ça va bien? Ça va bien toi? Ben oui. Hey, heureux d'être avec toi aujourd'hui dans ce dîner de cons là. Ben oui, mais on n'avait pas le choix, hein? Ben non. J'ai dit à Danny, tiens la corde. Il embarque dans le ballon. J'ai dit de tenir la corde le temps que je réponde à des gens puis que je parle. T'as un gars je me revire le ballon est parti dans les airs. Danny dans le ballon. Non, mais là. Là, avec la température, là, le ballon il vire, là, fait que j'attends que. T'as pas pensé avec la pluie de peut-être pas le laisser aller en ballon? Ben non, mais c'est parce qu'il avait dit, viens avec le ballon, y aller, puis tout. Puis bon, ben là, il embarquait avant moi, puis j'avais le pied sur la corde, puis j'ai dû lâcher la corde, à un moment donné, je me revire, et il était trop haut. Ben maudit. Moi, je pense qu'il est en train de pleurer, moi. Non, ben il va sûrement réussir à le rejoindre, puis je vais lui dire quoi faire. Ben, je te laisse faire ça. Parce que sinon, il va partir comme le prêtre, là, trop haut, puis trop loin. Est-ce qu'on va parler du prêtre? Non, tu vas me le raconter, ça? Ben oui, ben écoute, c'est un prêtre. À un moment donné, mon Dieu, je pense, je ne sais pas dans quelle ville, mais c'était dans l'Amérique du Sud, et puis pour un événement, pour signer un événement, pour manifester, il s'était envolé, accroché à une chaise avec des ballons. Il s'est élevé dans le ciel. On l'a jamais revu. Même, tu sais, tout le monde est mis à contribution, la Navy, l'armée de l'air, et puis... Et ça fait déjà une couple d'années. Il avait gagné le prix des titres, des trucs, des gens qui les sont... Les Darwin. Oui, c'est ça. Ouais. Et je te dis les et gens. Et voilà. Bon. Mais mon ballon, il y a un système. Dès que Danny va trouver le système de guidage... Là. Le GPS. Le GPS. Ben, le UPS dans les USB Underground. Computer. Computer. Computer. Yeah. Bon, ben tantôt, on parlera de ce qu'on va parler plus tard. Hein. Tantôt. Pour l'instant, oui, on va écouter. Oui, je suis en train de te regarder ça, une nouvelle liste, la presse, de voir rue Frontenac. Frontenac. Frontenac. Frontenac. On va écouter Orange, Orange. Oh, yes. Et je plais. Je regarde la neige qui tombe. La fenêtre contre le nez. Puis je pense aux enfants du tiers-monde qui vont naître contre leur gré. J'imagine une fleur sur la tombe d'un soldat qu'on a égaré. Sous les cadavres et les décombres de tout mon cœur. Et je pleure toute la journée. Et je pleure pour me soulager. Et je pleure pour l'humanité. Et je pleure, et je pleure, et je pleure, et je pleure, et je pleure. Et je pleure. Et je pleure. I'm in need of some deep attention. I want to walk in a brand new dimension. Calcule mes livres en trop. Je danse tous les vendredis soirs. Je fais l'amour en stéréo. Je m'achète une télévision. Je me couche pour un téléthon. Je compose de tristes chansons de tout mon cœur. Et je pleure toute la journée. Et je pleure pour me soulager. I'm in need of some deep attention. I want to walk in a brand new dimension. Keep my eyes from breaking apart. Tell me when will our story. We'll be right back. présentation de musique Daniel Côté, 1645 rue Royale, Trois-Rivières. Toujours dans Dîner de con avec Mathieu Plante en remplacement de Danny Janvier, accompagné d'André Baudin. C'est le fun, Mathieu, mon Dieu, mais c'est une belle surprise ce matin quand j'ai su que Danny était parti avec le ballon. Je dis, ça va être Mathieu qui va être obligé d'animer. Hein, par défaut. Ben oui. C'est l'animateur du Dîner de con par défaut. C'est ça. Toujours un tiers, un autre. Un autre, un plan bon B. Comme nous. Hein, ah oui. Ben oui. C'est comme un filet. Ben oui. C'est ça. C'est moi. Mais ça. Toi, par exemple, dès que tu sors du dîner de con, tu sais, comparativement à nous, tu redeviens, tu sais, Mathieu, nous, on reste con. C'est ça. Moi, je suis con que par moment. Et voilà. C'est bon. Ça. Bon, comme qu'on dit. On devrait peut-être parler de nos sujets qu'on va aborder plus tard dans l'émission. Là, allons-y tranquillement, pas vite. De quoi tu vas nous parler? Le Nouvelier nous dit que peut-être qu'une étude pourrait redorer le blason des jeux vidéo. Ah, ça m'intrigue, ça, les jeux vidéo, moi. De nos jours. Ben, j'en parlais justement avec des parents. Je suis coach de ski, puis on parlait des jeux vidéo. C'est sûr que ça les accapare, ça, puis les téléphones, mais tout, mais en même temps, ça fait pas un peu partie de leur vie maintenant? Ben oui. Je sais pas. Enfin, on va voir ça un peu plus loin. Écoute, la presse, Montréal, beaucoup d'opposition. L'opposition sort d'une réunion aujourd'hui là, du conseil municipal qui est consacré à l'adoption du budget. Donc, on va se servir de ça, là, l'opposition, peut-être pour faire annuler le budget ou aller contre le budget ou enfin, on veut s'attaquer au budget. Là, donc, on va voir ça aussi. Le Devoir nous dit que Benjamin Netanyahou, c'est le premier ministre en Israël. Eh bien, il appelle le monde à s'unir contre les ennemis d'Israël. Imagine-toi, ça va être beau de voir ça tout à l'heure. Et écoute, le Rue Frontenac... conflit, en fait. On sait que le Rue Frontenac, c'est un journal qui a émané, finalement, du Journal de Montréal. Qui est du lockout du Journal de Montréal, qui sont toujours en lockout depuis un an. Et puis, il semblerait, finalement, que les employés, les gens qui ont parti du journal, ils semblent avoir pris goût. Hein? Puis, on en parlait avec Danny dans les semaines passées. Moi-même, je disais, j'espère qu'ils ont prévu qu'ils sont pas toujours en train de dilapider la caisse. Moi, lockout, tant qu'à ça, on transfère les fonds dans d'autres choses, on réinvestit ça un peu, puis là, le monde se remet. Bon, ben enfin, il semble que ça fait déjà un an, puis au lieu que le monde compatisse, enfin, on regarde ça, mais peut-être qu'on aimerait ça que ça fasse 2 ans, puis 3 ans aussi, et que ça continue avec... En fait, on veut peut-être pas retourner travailler. Ils font du bon travail, en tout cas, on apprécie leur site. C'est très bien. Alors, ce serait ça, grosso modo, moi, Mathieu. OK. Moi, de mon côté, dans les nouvelles un petit peu plus bizarres de gens weird. Stupides, il y a un homme qui met le feu à son entreprise qui lui a refusé une augmentation. Quelqu'un qui tente d'avoir des relations sexuelles avec un arbre. On a tous rêvé de ça un jour. Une femme qui est condamnée à la prison pour ses ébats sexuels trop bruyants. Oui. Et une madame qui conduit avec le corps d'une autre madame sur son capot pendant 7 kilomètres. On va en parler tantôt. C'est bon ça. Mais ben ça, oui. On a déjà fait ça, nous, conduire. Moi, j'ai déjà conduit, j'ai du monde sur le capot. Ah oui? En fait, oui. Mais c'était voulu, par exemple. C'était voulu, oui. Dans notre corps. Est-ce que tu vas nous raconter ça tantôt? Ben, lorsque t'en parleras, je ferai le lien avec ça, en effet. Pour l'instant, on va l'écouter Spiral Beach. Voici Megaround and the Mania. Une pièce que j'avais fait passer la dernière fois que j'ai remplacé Danny. Je sais pas si t'en rappelles, tu l'as bien aimé. Oui. Là, il est plus dans le palmarès, mais on l'a juste pareil. Parce qu'il est bon. Vous êtes au 89 FM, c'est le dîner de con jusqu'à 13h. Broken bottles round the neck, do a wild dance for me. All my présentation de musique Daniel Côté, 1645 rue Royale, Trois-Rivières. C'est le dîner de con qui se poursuit jusqu'à 13h avec Mathieu en remplacement de Danny et puis André qui est devant moi, qui va commencer avec ses nouvelles un peu, là. Qu'est-ce qui se passe? Ben, écoute, on parlait de ce truc. En fait, c'est une étude qui aura lieu, qui va s'amorcer dans quelques jours à l'Université du Québec à Trois-Rivières. C'est ici, ça? Ben oui, ça paraît dans le nouveliste. Écoute, en fait, quel parent ne trouve pas que ses enfants jouent trop aux jeux vidéo, n'est-ce pas, Mathieu? Tout à fait vrai, ça. Qui n'a pas lu ou entendu un reportage s'inquiétant des compétences sociales des vrais jeunes mordus des jeux vidéo, d'Internet, de Twitter, Facebook, toutes les autres trucs de réalité virtuelle? Mais cette nouvelle étude pourrait redorer le blason des jeux vidéo, comme on titre, mais du moins démontrer qu'ils ont aussi un effet très bénéfique sur les jeunes. Alors, ce sont deux chercheurs, Annie Stipanisic et Pierre Nolin, tous deux professeurs au département de psychologie de l'UQTR. Ils ont bonne raison de croire, en effet, que cette pratique des jeux vidéo à la maison pourrait, en effet, augmenter le niveau d'attention, si on pense sont concentrés quand même sur une chose, oui. OK? Puis, donc, est-ce qu'on pourrait essayer de canaliser l'énergie qu'ils mettent là pour le transposer, par exemple, à l'attention en classe? Les jeux vidéo demandent une grande attention, je viens de dire, donc on se concentre sur une tâche, donc il faut enlever tout le reste des autres stimulations. On est concentré juste sur une chose, par exemple, si on joue une game. Alors ça bulle pas mal. Oui, tout à fait. Là. Donc, c'est un peu, je t'explique ce qu'ils veulent démontrer ou dans sur quoi un peu leurs hypothèses, leurs problématiques, si on veut. Donc, si l'enfant joue à ce type d'activité de façon régulière, on peut penser que ça entraîne quelque part, sans s'en rendre compte, ses capacités d'attention, sa capacité de mettre de côté des stimuli qui sont concurrents. Ceux qui sont pas pertinents à traiter, par exemple. Et puis, on peut penser qu'il augmente aussi sa vitesse de traitement de l'information. Donc, c'est donc cette hypothèse que souhaitent démontrer de manière scientifique les professeurs. C'est à suivre, cette étude qui débutera bientôt. Donc, les ordinateurs du laboratoire feront assurément la joie des 150 enfants volontaires de 7 à 12 ans dont les scientifiques ont besoin pour mener cette recherche. Alors, il y aura des cobayes. Voilà. Ça, tu sais, les parents, des fois, ils se tannent d'entendre la musique des jeux vidéo. Tu sais, des fois, les parents, ils disent oui. « baisse le son ». Baisse le son, là. D'autres choses qui causent du bruit, des fois, c'est le sexe. Ah oui, ben oui. Mon lien est parfait, oui, je trouve. Oui. Donc, une Anglaise de 48 ans vient d'être condamnée à 8 semaines de prison avec sursis pour des ébats sexuels trop bruyants, selon le Berry Républicain. Cette femme a été condamnée car elle n'a pas respecté les termes d'une ordonnance qui l'obligeait à maintenir le volume sonore de ses ébats à un niveau tolérable. En effet, ses voisins n'en peuvent plus. Ils parlent de bruits surnaturels qui peuvent laisser penser qu'une personne est en train de se faire tuer. Ils n'arrivent plus à entendre le son de leur télévision, ou de leur jeu vidéo peut-être. Les bruits faits par la femme ont été mesurés jusqu'à 47 décibels dans un appartement voisin. Passé une première fois en justice, elle n'a pas tenu compte de l'avertissement qui lui a été donné. Le juge a déclaré, je cite, « J'ai entendu un très court extrait du bruit que vous faites et je comprends très bien que vos voisins soient contrariés et perturbés. » La femme a expliqué qu'elle n'arrivait pas à limiter le volume sonore pendant ses ébats avec son mari. Et si les faits se reproduisent dans les 12 mois qui viennent, elle devra exécuter sa peine de prison. Non. Hey, baisse le son, là! Hein? Ouais. Pas le fun, tu sais. Elle peut pas s'en empêcher, c'est sûr. Des fois, les émotions, ça se contrôle pas. En prison, elle va faire du bruit aussi. Ben oui. Enfin. C'est ça. Ça va être une prison pour femmes, une prison. Même seule, elle doit être capable de se procurer les plaisirs dont elle a besoin, n'est-ce pas? Ça doit. Ouais. En tout cas. Je sais pas, je me demande si Roméo et Juliette avaient le même problème. Tu sais, dans le temps, Roméo et Juliette. Ce serait cru de voir. Moi, j'aimerais bien avoir ma machine à voyager dans le temps pour aller rien perturber, mais juste aller voir les trucs comme ça, là, voir exactement là, si c'était vrai ou faux et puis comment ça s'est passé, si c'était vrai. Peut-être qu'il y a leur technique dans ce temps-là, on pourrait en apprendre là, là-dessus. T'sais. Eh oui. On pourrait s'éduquer. Oh, yeah. Ah, oui. Photographs

déserteur qui quitte les Comores, prend son transe avec une pioche, tu les traverseras. Sont debout et sont muets, mes larmes mangent vos épaves. Elles sont le cœur, elles foncent vers moi. Impile, imprudent, l'impertinent. Toujours dans 18 cons, c'était 4D et la pièce Les Morts Vivants siffle. T'aimes ça? C'est bon, ben oui. Ben spécial, oui. Moi j'aime ben bien. Oui, j'aime ça ton choix musical, Mathieu. Ben, merci. Fantastique. C'est très gentil, j'aime bien ton choix de nouvelles. Ah oui, ben quand même pas choix. Moi je peux pas. Toi, tu peux être créatif. Moi je me fie à ce qu'on dit. Hein? Ben il faut que ça se passe. On n'invente pas des affaires ici. Là. On n'invente rien du tout. On est juste vrai et véridique. Tu sais, là, je veux dire, on va arrêter de se compter des menteries. Il n'y a pas de drogue qui circule à la prison de Trois-Rivières. Non. Y a pas, ils sont en prison, les gens, ils sont là pour. Hein? Pour subir leur sentence. C'est ça. Puis il n'y a plus rien de mal qui se passe là. On les a mis là pour ça. Hein? Bon. Donc, ce qu'on dit, c'est la vérité. C'est ça. OK, donc tu as un sujet pour nous, une nouvelle? Ben, écoute, je te parle à Montréal. Montréal. Tu sais, Montréal, le monde de Montréal, là, ils ont bien de la misère, là, parce que, écoute, le maire Tremblay, qu'est-ce que tu veux, il a été réélu. Il était un peu aussi comme pris, squeezé. C'est sûr qu'on sait qu'un peu partout dans le Québec, le phénomène des oppositions qui prennent un peu plus de voix, c'est-à-dire de place, qui s'organisent un petit peu plus, on le vit aussi un petit peu à Trois-Rivières aussi. C'est pas juste pour le fait de s'opposer, mais c'est vraiment parce qu'il faut, si le pouvoir est réveillé, pourquoi l'opposition ne le serait pas? Alors qu'on vit depuis un certain temps dans un pays où le pouvoir est réveillé, qui endort le peuple, et puis où, évidemment, l'opposition n'est pas très réveillée aussi. Il faudrait peut-être que l'opposition devienne un peu plus... Disons que l'opposition au niveau fédéral, provincial, aurait tendance à regarder un petit peu ce qui se passe au municipal, voir comment on peut, entre les manœuvres qui se font. Écoute, à Montréal, le parti du maire Gérald Tremblay craint que l'opposition se serve d'une réunion du conseil municipal pour retarder l'adoption de son budget. Son budget qui... d'aucuns disent, ben écoute, il retarde le développement, c'est d'adopter de l'argent tout de suite, un peu comme pour aller récupérer sur le passé, sur les gaffes de l'ancien mandat. Donc, il y aura, par exemple, c'est-à-dire c'est le leader d'Union Montréal au conseil municipal, M. Marvin Rotran, soupçonne la vision morale de vouloir étudier une plénière prévue aujourd'hui pour empêcher la tenue d'un débat entre les élus sur le budget. Donc, c'est ça qui fait un petit peu... la nouvelle. Donc, il craint que les conseillers de Louise Arel utilisent chaque minute du droit de parole qui leur est accordé pour ralentir les travaux. C'est une technique qui s'appelle le filibuster dans le jargon parlementaire. Filibuster, ici, qui est utilisé moins de manière générale que, par exemple, aux États-Unis, dans la Chambre des représentants. On sait qu'il y a 435 représentants dans cette partie de... Là-bas, le Congrès, leur institution parlementaire, l'équivalent du Parlement, le Congrès, il y a deux chambres, les Sénats sont 100. 435 les représentants, puis trois représentants pour DC, District of Columbia, ce qui fait 538, qui sont finalement les 538 grands électeurs. C'est la majorité de 538, c'est-à-dire 270, je crois, qui s'apprend quand on est élu, il est temps d'élire le président des grands électeurs. C'est au bout de la ligne, on va avoir 538 possibilités de voter. Et puis ces 538-là, ben, c'est eux qui vont élire le président, la majorité qui est 270. Donc, 100 représentants pour les sénateurs. 435 pour les représentants, 3 pour le district de Columbia, ça nous fait un grand total de 438. Donc, eux, tu comprends bien qu'avec beaucoup de monde de même, le filibuster, c'est-à-dire qu'il y a un record, genre par exemple, de 24 heures, où un représentant a carrément utilisé au maximum son droit. Donc, pendant 24 heures, il disait tout ce qu'il avait à dire. Okay. Une année à la fin, il lisait des parties, des bouts du code civil. Oh, ouais. Parce que là-bas, c'est que dès que tu prends une seconde de break, un autre peut lever la parole puis couper ton filibuster. Okay. Et puis donc, c'est ce qu'ils vont tenter de faire là, dans cette réunion-là, c'est-à-dire de parler sans arrêt, de ne pas avoir d'occasion qu'on... Par exemple, au président de l'Assemblée, il dit bon, ben, la réunion est finie, il va toujours falloir qu'il enchaîne sur les points qu'ils ont amenés. Enfin... Donc, parce qu'il n'y avait aucune entente avec l'opposition officielle au sujet du temps nécessaire pour l'étude du budget. Donc, ça veut dire que Vision Montréal refuse de promettre qu'il n'y aura pas de filibuster. Donc, on est tout autour de cette réunion-là. Donc, parce que comme ça peut influencer une décision là au niveau du... Puis on dit aussi que où est la population? Pourquoi la population elle vient pas? On laisse même pas le temps à la population de venir consulter, de venir écouter une présentation du budget, puis de se prononcer éventuellement. Puis peut-être non, on essaie de passer ça un peu en catimini. Donc, disons qu'on voit une opposition quand même à Montréal un peu plus. On entend parler un peu plus d'opposition et de pouvoir. Et comme je dis, pour conclure, on devrait peut-être au niveau provincial et fédéral regarder un petit peu qu'est-ce qui se fait au niveau municipal là, de ces temps-ci pour voir là, comment on peut développer nos positions dans une perspective le plus pan-canadienne ou pan-québécoise là, pour faire avancer des dossiers là, puis un peu contrecarrer l'effet endormitoire là, du pouvoir. Mm-hmm. Ouais. Hein? Tu sais que l'opposition, une façon de les faire réagir ou de les faire, tu sais, oui. C'est peut-être de l'aptitude de l'urine de renard. C'est ce qu'un gars a fait. Ben, oui, parce... Voilà donc une autre motion créative. Tout à fait. Et qui laisse sa marque. Qui laisse sa marque. ça se passe à Portland, aux États-Unis. Un homme est accusé d'avoir déversé de l'urine de renard sur des manifestants et un agent de police. Monsieur Murphy, âgé de 36 ans, a été arrêté dans la nuit de dimanche à lundi. Il habite au-dessus d'un restaurant appelé The Front Room. Le propriétaire de ce restaurant est actuellement la cible de ses employés qui protestent contre leurs conditions de travail et leur faible salaire. Monsieur Murphy, probablement excédé par les manifestations ayant lieu juste sous ses fenêtres, a décidé de réagir d'une façon peut-être trop extrême. Il a ainsi déversé de l'urine de renard sur les personnes se trouvant en bas de chez lui, dont un policier. Il encourt une condamnation pour agression. Ça dit pas où il a trouvé de l'urine de renard. Exactement la question que j'allais te poser, Mathieu. Alors, où trouve-t-on de l'urine de renard en si grande quantité? Ben oui, à moins que tu aies une ferme de renards, que tu les élèves, que tu les fasses pisser dans une tasse. Oui, certes. J'ai aucune idée. Au même endroit qu'ils t'achètent un chapeau avec une queue de renard. C'est probablement qu'on peut... ou quelqu'un, en fait, je sais pas. Moi, mon Dieu, où peut-on trouver cela? Peut-être qu'on parle du renard qui vit dans le nord et puis toute l'urine qui est dans la glace ou dans la neige, on la fait fondre, on la recueille. OK. Et ça nous fait des litres et des litres d'urine de renard. Et là, ben. Ça se revend cher, ça? Ça se revend très cher. Je sais pas si ça se vend aussi cher que du lait de souris. Ah. Mais, enfin. Qu'est-ce sera, hein? Ou du lait de hamster? Je sais pas, mais certes, le lait de souris semble plus prisé. Je parle de hamster parce qu'il y a une autre nouvelle assez étrange en ce moment. Ça se passe en Géorgie. Parce qu'il y avait de mauvaises notes à l'école, une mère de famille a été obligé son fils, pardon, à tuer son hamster avec un marteau. Un marteau, ben voilà. T'imagines la cruauté. Okay. Voilà. Elle est actuellement en détention. La femme en attente d'être jugée. Le jeune garçon âgé de 12 ans avait expliqué à l'un de ses professeurs qu'il avait dû tuer son petit animal de compagnie sous la pression de sa mère. En effet, elle voulait le punir d'avoir eu une mauvaise note à l'école. L'enfant a donc dû donner mort à son hamster avec un marteau. Alerté par le professeur du garçon, la police a procédé à l'interpellation de la mère. Elle est actuellement en détention et attend d'être jugée pour cruauté envers un animal, cruauté envers un enfant et voie de fait. Il y a des gens qui n'ont pas toutes leurs... c'est pas tout ici, là. Il manque des petits boulons, manque des petites bombes, il manque des petites choses comme ça. Mais écoute, c'est sûr et certain que le fait d'achever un être vivant comme ça, ça pose toujours une question d'éthique. Hein? Tout à fait. Et puis on sait que l'armée canadienne, en ce moment, ouvre une cour martiale contre le capitaine Robert Samro. Il comparait aujourd'hui en cour martiale sur une allégation. Donc, un militaire canadien que depuis la mission canadienne en Somalie, il aurait abattu un prisonnier. Okay. Ce prisonnier-là, selon les dires, ben, en fait, on n'a jamais retrouvé le cadavre ou le corps du prisonnier. Pardon, je parlais de j'étudie Somalie. Oui, Somalie. Mais c'était en Afghanistan. Afghanistan. Donc, écoute, ce que je vais mettre là-dedans, c'est un peu ce qu'on revenait à ton hamster, c'est que sur le front, comme ça, peut-être que c'était... On l'a vu de loin achevé, puis après ça, on est achevé le gars. Puis, mais on disait que le prisonnier avait eu beaucoup de blessures. Là, probablement qu'il y a eu une attaque, il y avait un survivant, il y a eu des survivants, on a fait des prisonniers, puis on est arrivé sur un belligérant qui, lui... Il avait tellement des blessures graves que je pense qu'on a dû simplement l'achever, là, comme on dit. Donc, écoute, il est en cour martiale pour ça. On va suivre ça comme ça que c'est aujourd'hui qu'on paraissait. Donc, moi, je pense que moi, peut-être que j'aurais aimé mieux qu'on m'achève si les blessures étaient si graves. Tu vois un être souffrir au point, tu dis, il n'y a pas de façon de s'en sortir tant que ça après. Je comprends que quelqu'un qui fait un accident d'auto grave, là, puis qui survit avec les ambulances, le système, on va le sortir de là, là. Mais quand tu es au combat, quand tu es en plein milieu de la jungle, ou puis que la moitié de la tête est ouverte, je pense pas qu'on te sauve. Ouais. Et c'est pas chouette, ça. C'est pas chouette. Pas chouette du tout. Alors, on viendra avec d'autres nouvelles, peut-être un petit peu moins déprimantes. On verra tantôt. Pour l'instant, on va entendre un petit bloc très, très dîner de con, je dirais. Parce que vous savez, l'animateur régulier du dîner de con, c'est Danny Janvier. Tu connais Danny? Oui, je connais très bien. Dune Vire? Ben oui. On l'appelle aussi Bio Bazar, c'est son nom d'artiste. C'est là-dessus qui est sous ce nom-là, qui fait plein de super bonne musique. Et une pièce que j'aime bien, qui s'appelle Ventricule Ambiant. La voici à l'instant, au 89.fm. Suivra une pièce de toi, là. Toi, André, toi. Ah oui, merci, toi. Oh yeah. Enfin, toi après. Merci beaucoup, mon gars. Ben c'est ça, tu fais de la musique toi aussi. Ben oui, ben oui. Tranquillement. On en parlera tantôt. C'est dans le dîner de con. Ben oui. Ben oui. We'll be right back. présentation de musique Daniel Côté, 1645 rue Royale, Trois-Rivières. Toujours avec André et Mathieu dans Dîner de con, c'était super bon. Merci Mathieu. Pièce que j'ai réalisée avec une guitare Ibanez provenant de chez Daniel Côté. Ben, ils sont voilà. Pas merveilleux ces gens chez Daniel Côté. Voilà. Ils fournissent de bons instruments voilà, pour faire c'était, la bonne musique. Voilà, la version instrumentale de la pièce. Il va y avoir des Child paroles. Love. Un jour des paroles là-dessus? Ben, bientôt des paroles. Mais oui, faut que je trouve de l'argent pour mon studio. Bref, moi j'aime bien ça. Merci. Toujours en dîner de con, comme on disait, jusqu'à 13h. Il nous reste un petit peu plus d'une heure à passer ensemble. Je dis pas ça comme si c'était une sentence. Pas du tout. Ça a vraiment l'air de ça quand je dis ça, on dirait. Je m'entends moi-même. Vous aviez un ton très sententiel, en effet. Donc, parlons un petit peu encore d'actualité, André. Qu'est-ce qui se Écoute, passe? Écoute, Benjamin Netanyahu appelle le monde à s'unir contre les ennemis d'Israël. Benjamin Netanyahu, c'est le premier ministre d'Israël. Mm-hmm. Donc, c'est un pays, Israël, on sait qu'il se veut relativement... d'allégeance occidentale, si je peux m'exprimer ainsi, ce ne serait pas les États-Unis sur un autre nom? Non. Hein? Mm-hmm. Ce serait les États-Unis sur un autre nom en plein milieu d'un monde arabe. Un monde plutôt hostile à la présence israélienne. Cependant que les anti-sionistes, c'est-à-dire ceux qui ne croient pas nécessairement à toute la notion... les Juifs cherchent une terre, ont besoin d'une terre. C'est des gens qui sont un peu plus commodes. Donc, il y a beaucoup de Juifs aussi anti-sionistes, comme il y a des Arabes anti-sionistes. Donc, c'est pour ça que tu vas aller retrouver des fois des Juifs et des Arabes ensemble qui vont partager des plats, qui vont partager les trucs cachers, etc., etc. Okay. Parce que c'est la ligne dure, entre guillemets, politique sioniste. Elle est plutôt... justement, avoir une argumentation comme celle qu'on a aujourd'hui. C'est-à-dire, on appelle le monde à s'unir contre l'ennemi d'Israël, contre l'ennemi de la foi. C'est le discours inverse des islamistes qui disent, qui parlent d'Allah et des chiens galeux d'ennemis. Donc, le premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, a de nouveau appelé lundi la communauté internationale à s'unir contre les ennemis d'Israël qui souhaitent la destruction de l'État juif. C'est des propos qui visent particulièrement l'Iran. Donc, l'Iran, faut faire attention. Ça fait longtemps, moi-même, que je le dis. Il y a toute cette histoire d'armes nucléaires. Il y a toute cette espèce de stabilité, cette espèce de libération qui s'est engagée. Puis ça allait bien. Puis à un moment donné, cette espèce de revirement. Il y a beaucoup de jeunes en Iran. Donc, c'est très bouillonnant, l'Iran, en ce moment. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Donc, c'est un pays quand même qui peut être agressif. Mais il faut comprendre tous les pays qui sont dans ce coin-là du monde que le ton est tellement agressif que de part et d'autre, on s'arme. Et puis, par contre, c'est sûr et certain, quand tu arrives avec Israël en plein milieu du monde arabe, puis eux, ils ont des villes comme Tel Aviv où tu prends ton espresso, des cinémas, des boîtes de nuit les plus branchées, etc., etc., mais qui vit quand même dans une... Tu sais, il y a des sirènes au cas, là, hein, que ça pète et tout. Oui. Donc, écoute, la haine anti-juive, elle se répand, et puis il y a un appel à l'extermination de l'État juif qui a été lancé. Pour réagir à ça, un peu comme l'Holocauste l'a montré, il faut arrêter tout ça. Et puis, on a beaucoup d'inquiétudes du côté d'Israël. Tandis que du côté de le président iranien Mahmoud Ahmadinejad a mis en doute à plusieurs reprises la réalité de l'Holocauste, imagine. Puis il a affirmé qu'Israël devait être rayé de la carte. Tu sais, je veux dire, c'est des... Tu sais, quand tu dis des choses comme ça... Mm-hmm. C'est bon, je veux bien croire que le juge se fout de tir, en fait, et c'est comme dire, hey, toi, mange de la ci, mange de la ça. Mais bon, il reste qu'à un moment donné, c'est un État, là, c'est le président d'un État qui dit, hey, on va trahir de la carte. Donc, l'État hébreu considère par ailleurs que le programme nucléaire Téhéran comme une grave menace. Donc, on voit, ça bouillonne. Et puis, on commence juste à mettre des États comme les mettre un peu coupables. Là. On accuse des gens, par exemple. On a condamné Saddam Hussein. On a Radovan Karadžić, il y a eu Slobodan Milošević, les affaires de la Croatie, Bosnie, etc. Mais là, on commence à avoir des états terroristes identifiés, là, dont maintenant probablement l'Iran, ou ceux qui soutiennent le terrorisme. Donc, quand on commence à dire, faut s'unir contre les ennemis d'Israël d'un côté, l'autre côté, il faut rayer Israël de la carte. Je comprends, puis le meilleur conseil que je peux donner aux États-Unis, c'est de puis ça a toujours été ça, en fait, je le donnais à M. Bush, mais je le donne encore à M. Obama, il faut maintenir le monde arabe divisé, parce que si ce monde arabe-là s'unit, ça va être beau tout à l'heure. Je pense pas qu'on va, on va pouvoir épargner Israël dans l'espèce de lutte, mais... Donc, en maintenant un monde arabe divisé, c'est sûr que d'un côté, on n'empêche pas le ton dangereux, le ton agressif de la région, mais en même temps, on empêche une mobilisation. Ça, c'est ce qu'il y a à craindre, dans le fond. En politique internationale globale, et puis en politique internationale là-bas, il faut pas imposer ça, mais il faut les laisser naturellement, pas tout le temps être d'accord. Puis ils sont pas tout le temps d'accord, une chance à date, là, parce enfin. Donc, voilà. Voilà. C'est ce pour mes nouvelles grises, comme dirait mon oncle Danny. Ouais, c'est assez gris. Hein? C'est assez gris, ça. Hein? C'est assez extrémiste. C'est même des couleurs de nucléaire. Ouais, c'est ça. C'est pas mal ça, un champignon gris. Ouais. Qui plane sur notre tête, telle une épée de Damoclès, mon cher Mathieu. C'est tchernobylien. Oui. Voilà. Quelque chose qui peut unir les deux côtés, par contre, dans ce cas-ci, je veux dire que tout le monde est d'accord là-dessus. Avoir des relations sexuelles avec un arbre. C'est bien. Mais pour les. Mais non, juste... non vas-y. The Mission avec De Niro. Je pense que ça se passait. C'était les Jésuites qui allaient voir les Autochtones à l'époque dans l'Amérique du Sud. Okay. Puis il y avait cette prise de vue où les jeunes, comment je pourrais dire, ça couplait avec les arbres, comme on peut dire. C'est plutôt dans les mœurs là-bas des tribus, tu sais, les jeunes garçons, peut-être même les jeunes filles, d'aller se frotter un peu sur les arbres. Ça fait partie de leur scheme, de leur. Leur mœurs. Leur schéma sexuel et leur mœurs, et voilà, tribal là-bas. Ouais. C'est étrange. Ça se passe en Écosse. Ben moi, comme j'ai vu ça, puis ça devait, j'imagine, relater une réalité de l'époque. Sûrement. Puisqu'on, des fois, on donne quand même des bonnes connotations réelles et historiques à des films. Tout à fait. Ben moi, pour moi, ça fait que cette nouvelle-là est pas si extraordinaire. Oui, t'as une belle nouvelle, Mathieu. C'est parfait. Mais je parle que je suis moins outré que toi, peut-être. OK, non. OK, allons-y. Je jeune homme a été banni d'un parc. C'est la nouvelle pour commencer. Devant plusieurs passants, il a en effet tenté d'avoir des relations sexuelles avec un arbre. Oh. William Shaw, 21 ans, a reçu une injonction du tribunal lui interdisant de se rendre dans un parc après avoir tenté de faire l'amour à un arbre. L'homme avait en effet été surpris le pantalon sur les chevilles, simulant un acte sexuel avec la plante. Shaw a plaidé non coupable d'obscénité dans un lieu public et a été relâché sous caution à la condition qu'il reste éloigné du parc. C'est légitime. Ouais, tout à fait. Ah, c'est parce que là, tu peux faire ce que tu veux, mais là, en public, dans un parc. Hein? Je sais pas si c'est en tout cas. Bref, ça pourrait mener à une discussion bien profonde. C'est sûr que The Mission, c'était plus des années 1500, hein, donc, puis c'était dans le bois. C'est ça. Mais il y en a qui avancent pas dans la vie. C'est leur façon de. Les gens sont enclins à certaines perversités, Mathieu. Toi qui ne sors pratiquement jamais de ces fous, c'est sûr que t'es épargné de toutes les misères et les bassesses de ce monde, mais que veux-tu? Ben oui, hein. Tu me connais donc bien. on en parlera avec Annick Sénécal tantôt dans cette chronique Saxopoly. Donc, autre chose? Oh non, Mathieu, non, il est midi, là. Moi, je pense qu'on va se soutenir un peu avec les richesses de la flore. Parfait. C'est la pièce de shampoing. C'est très à propos. All right. Oh yeah, c'est Dire con jusqu'à présent. Whoa. Quand le soleil sort, puis que les beaux gens vont éclore, enfin pourront torcher à même les richesses de la flore. Parlez-moi en dans des paniers, dans le sud au moins on voit pour se torcher. Je me suis gelé cul hiver, assis seulement au frais, moi toujours m'en rappeler au chagrin. Du pays d'Atirondax, il y avait du lichen qui restait pris dans le crack. Parlez-moi en dans des paniers, dans ce nom moyen de quoi pour se torcher. Je me suis gelé cul hiver, assis un bar au frais, moi

présentation de musique Daniel Côté, 1645 rue Royale, Trois-Rivières. Ah! 12h15, où ça, à Jakarta? Non, 12h15, je disais 1215 minutes. 1215, c'est l'année de la Grande Charte, la Magna Carta. Magna Carta? Magna Carta. Ah, c'est ça que Nicolas Cage cherche dans le film, non? Ah, ça se peut. Sûrement pas. Non. Ah, ça se peut. Ben, la Magna Carta, c'était la première Grande Charte là, de commerce international à l'époque, là, qui avait été rédigée là, par quelques pays. Un des premiers traités internationaux de l'histoire. De l'histoire. Je parle de l'histoire moderne. Oui. Moderne, enfin. De façon moderne, là, qu'est-ce qui se passe dans les actualités? Hein? Écoute, c'est un article publié hier. C'est un article sur ruefrontenac.com. Je vous rappelle, ruefrontenac.com, c'est ce journal internet qui a découlé finalement de les négociations inachevées à cause du lockout avec le journal de Montréal. Alors, on a continué à faire le piquetage dans la rue, mais aussi on a développé tout un concept. Donc, on écrit dans on publie un journal internet et ça fait déjà un an. Hier, ça faisait un an qu'on est en lockout. Et Martin Leclerc, un journaliste anciennement du Journal de Montréal, maintenant du Rue Frontenac, ben écoute, il peut pas. C'est sûr que lui essaye, comme dit, j'essaie d'éviter le sujet du lockout, mais là, on peut pas passer ça sous silence. Ça fait un an, ouais. Faut en parler. Faut faire un petit peu le point. Puis il va dire que, bon, écoute, chaque jour, là, tous les gens le rencontrent, puis ils disent, je compatis, patati patata, mais lui, il dit, vous devriez voir la réaction des gens quand je leur dis, ben, finalement, au risque de vous surprendre, on est bien contents, puis finalement, ça va mieux comme ça avec ce journal-là. C'est pas qu'on veut pas que le conflit soit avec le Journal de Montréal, mais ça va durer le temps que ça dure, mais là, pour l'instant, ça va bien. Puis si on fait une autre année comme ça, puis eux, leur chaque jour qu'ils perdent un lecteur, qu'un lecteur du journal physique meurt, ben il y en a un pour le journal web. Les revenus publicitaires commencent à augmenter. Ça reste du bénévolat, le journal qu'ils font sur Internet, mais ils font de la publicité, donc ils vendent de la publicité. Il y a des revenus publicitaires qui commencent à rentrer. Ils ont augmenté leur lectorat de 55%. Ça veut dire que les publicitaires sont... Là, je vois Guillaume Mazda aujourd'hui. Il y a de la publicité qui se passe, là. Donc, écoute... Puis en même temps, ils ont un syndicat, la CSN, assez sophistiqué, qui est capable de les soutenir. Mm-hmm. Et puis, comme on disait tout à l'heure, probablement qu'ils ont déjà entamé des mécanismes de transfert, tu sais, pour peut-être que ce journal-là va continuer. Je sais pas. Alors, ça fait un an. On va voir combien de temps encore cela va durer. Mais on nous assure qu'ils ne font pas pitié. Et au contraire, ça fait longtemps qu'ils n'ont pas fait leur métier de manière aussi enthousiaste. Et aussi dans un cadre tellement plus moderne de ce que c'est maintenant. Aujourd'hui, d'avoir une publication Internet, on en voit un exemple très manifeste. On critique beaucoup aussi que tout ça, c'est un problème aussi de la manière dont c'est géré chez Québécois. Il semblerait que ce serait une genre de prison sociale, une espèce de truc où, à l'interne, ça fonctionne pas très bien. Donc, écoute, ça niaise parce que l'employeur est... disons, pas tout le temps le plus honnête possible, en fait, dans sa relation avec ses employés, puis ça niaise parce que, bon, de toute façon, est-ce que vraiment on va pas aller vers un nouveau journal qui va rester comme ça? S'il commence à prendre plus en peur, ils pourront pas lâcher ça, tu sais. Est-ce qu'on va trouver une nouvelle structure? Je sais pas. C'est donc, ça. Voilà. On le saura peut-être un jour. Pour l'instant, mais ils travaillent très très fort, hein, parce que non seulement ils font un site web, mais ils font même une version PDF du journal. Ils travaillent très très fort sur ruefrontenac.com. Quelqu'un qui a travaillé très, très fort aussi, sans aucun doute, ça se passe en Allemagne. C'est une jeune Allemande de 22 ans qui s'apprête à donner naissance à son sixième enfant à 22 ans. Elle a dû travailler fort aussi, hein? Très, très fort. Elle détiendra alors le record de la plus jeune maman à avoir autant d'enfants. C'est à l'âge de 14 ans que Daniela rencontre son petit ami, aujourd'hui âgé de 26 ans. Un an à peine après leur coup de foudre, la jeune femme donne naissance à un premier enfant, aujourd'hui âgé de 7 ans. Depuis, elle n'a cessé de tomber enceinte, ce qui surprend tout de même le papa qui raconte, et je cite, « Je pensais que Daniela prenait la pilule, mais il est à chaque fois apparu que ce n'était pas le cas. Hein? Arrête pas, arrête jamais. Fais juste continuer comme ça, puis ben ouais. La fillette ment en pleine face. La jeune famille est aujourd'hui composée de Lisa, 7 ans, Léon, 5 ans, Lucas, 4 ans, Léa, 2 ans, et la petite dernière de 1 an, Anna Zoe. L'enfant attendu d'ici peu est un garçon que les parents ont choisi d'appeler Ben. Il a pu l'appeler Stop aussi, ou genre, veux-tu bien arrêter? Quant à savoir si la famille compte encore s'agrandir après cette naissance, il semblerait que non, puisque le papa a décidé de subir une opération chirurgicale qui l'empêchera définitivement d'avoir d'autres enfants. C'est ça. Bon, ben voilà. Il a mis un stop à ça. Une autre nouvelle bizarre qui se passe au Japon. Oui. Dans la région de Utsunomiya. Hein? Un peu au nord de Tokyo, tôt le matin, une octogénaire marche dans les rues. Bon, d'accord. Jusque-là, la nouvelle est pas vraiment une nouvelle. Hein. C'est plutôt normal. Et là, soudain, c'est le drame. Elle est renversée par une voiture conduite par une jeune fille de 23 ans, étudiante en hôtellerie. Il semble qu'elle soit morte sur le coup. Bon. Mais la jeune fille, paniquée, ne sachant que faire, continue de conduire. Elle roule 7 km. Le corps de sa victime sans vie, inscruté dans le capot. On. Apparemment, elle se sent tellement paniquée qu'elle ne sait quoi faire d'autre. Donc, qu'est-ce qu'elle fait? Ben, elle rentre chez elle, elle téléphone à son copain, le copain prévient la police arrive, trouve le cadavre encore incrusté sur le pare-brise. La jeune fille s'explique, elle a paniqué. Elle a été arrêtée pour homicide et délit de fuite. On s'imagine. Que faisait, je vous le demande, dit l'article, cette malheureuse octogénaire japonaise dans les rues de Utsunomiya aux petites heures du matin? Est-il raisonnable qu'un octogénaire erre sur les routes à de telles heures? Certes, on ne sait pas, on ne peut pas empêcher les gens de se déplacer, mais cette dame aurait mieux fait de rester chez elle, dit-il. Octogénaire, soyez raisonnable, pitié, restez chez vous et ne circulez pas dans les petites rues en pleine nuit. S'il vous plaît. C'est une bonne morale. Bon. Voilà. Le dîner de con avance. Des conneries s'en passent. Eh oui, tous les jours. Mais c'est lundi, c'est plus tranquille lundi. Ouais. Oui. Oui, c'est vrai. Alors, je pourrais ne pas l'être aussi, parce que la fin de semaine, il y a quand même 3 jours dedans. Ne sait-on jamais. On dit petit lundi, grosse semaine. Gros lundi, petite semaine. Petite vie, petite misère. Petite misère. Grosse corvette, petite quéquette. Ouais. Je ne sais pas de quoi tu parles. Je ne me dis rien. Non, moi non. Non. Moi, jamais dit ça. On s'en va pas. Mais j'aime aussi mon repos. Je t'aime. Mais j'aime aussi mon repos. Je t'aime. Mais j'aime aussi mon repos. Je t'aime. Mais j'aime aussi mon repos. Je we'll 88-903-89-1111. Le Dîner de con est une présentation de musique Daniel Côté, 1645 rue Royale, Trois-Rivières. Vous êtes bien dans le Dîner de con jusqu'à 13h. Oui, André. Oui, Mathieu Plante en remplacement de Danny Janvier et puis André Baudet qui est devant moi. Et voilà. Ici, là. Bon, est-ce que tu te souviens d'une affaire qui s'appelle la caisse de dépôt et de placement? Ah, vaguement. Il y avait des noms, hein? Ouais. Tu savais que M. Sabia était le nouveau président, ça, directeur de ça, là. Donc, il est entré en fonction, lui, en mars 2009, dans la foulée très difficile. Là, la caisse de dépôt avait perdu des milliards, 40 milliards de dollars dans des investissements massifs dans ce qu'on appelle les PCAA, le papier commercial adossé à des actifs. Suite à l'effondrement de ce créneau financier, alors la Caisse, on l'a critiqué. Hein? On lui a dit « t'es pas fine, la Caisse de dépôt, tu nous as perdu notre argent mm-hmm. ». Donc, on a nommé M. Sabia et puis on espère un relèvement. Il a promis de nous dès juin, là, dès la moitié de l'année, on va avoir un rapport, si on veut, déjà là, à mi-chemin. Donc, voir qu'est-ce qui a été fait comme réalisation, comment on a remonté un peu la pente. Donc, on procède à plusieurs changements. Et ce qui, donc, l'équipe s'est donné comme priorité de réaliser dans les 8 prochains mois, un truc, là, dont agir avec un esprit beaucoup plus fiduciaire, authentique, c'est-à-dire bien gérer les, tu sais, être en fiducie, c'est-à-dire, c'est qu'on délègue un peu la gestion. Ce sont des organismes qui gèrent un peu l'argent qu'on leur remet entre les mains. En procurant un rendement ajusté au risque et au passif des déposants. Donc, on calculera pas sur un passif extrapolé, mais sur vraiment un passif ou un revenu ou sur une garantie réaliste. Donc, on parle nécessairement des régimes de retraite d'assurance publique et privée, tels que le régime des rentes du Québec. Ça, c'est ce qu'on retire sur votre chèque de paye à toutes les deux semaines, les mois, dépendamment de votre périodicité. Donc, la Caisse a dit également vouloir établir un nouveau modèle de collaboration avec ses clients afin de faciliter sa compréhension de leurs besoins et de leur stratégie d'investissement, donc d'avoir un portefeuille plus personnalisé. Donc, pour tout dépendamment d'où vient l'argent et où va l'argent. Elle veut aussi jouer un rôle de leadership dans l'entreprise au Québec, donc peut-être avoir une espèce de soutien de la Caisse pour les entreprises qui démarrent. Peut-être voir les programmes pour les entreprises, c'est pour les grosses institutions gouvernementales qui gèrent, par exemple, les fonds de pension, les syndicats, etc. Peut-être qu'il y aura des produits que la Caisse peut leur offrir. Et donc, plus concrètement, M. Sabia a écrit que la Caisse entend investir dorénavant exclusivement dans des véhicules financiers transparents qu'elle maîtrise en profondeur, donc plus de lancer dans des nouveaux créneaux, des trucs trop risqués. On va attendre que les produits financiers fassent leurs preuves, qu'on démontre que c'est pas une balloune juste en vue d'enrichir une certaine minorité. Et puis là, à ce moment-là, on va être beaucoup plus conservateur et très transparent dans notre manière de placer l'argent. Ils vont présenter dorénavant un aperçu des résultats à la mi-année, ce que je disais tout à l'heure. Parce que c'est une première dans l'histoire, parce qu'avant, c'était assez vase clos. Là. Une fois par année, on sortait les résultats, puis on n'y avait pas trop non plus de vérification, semble-t-il. Mm-hmm. Maintenant, on va resserrer tout ça. Oui. La pente va être dure à remonter, hein? Ben, on va la remonter. En France, oui. Changement un peu de sujet. Oui. Un homme de 34 ans, ouvrier dans une entreprise de traitement de surface, a mis le feu au bâtiment de la société de son employeur car ce dernier lui refusait une augmentation de salaire, André. Fun, ça. Ouais, salaire. Salaire qui n'aimait pas ça. C'est ça. C'est dans la soirée du jeudi 21 janvier que l'ouvrier d'une trentaine d'années s'est introduit dans les locaux vides de son entreprise. Il a d'abord commencé à vandaliser plusieurs machines ainsi qu'une armoire électrique avant de mettre feu à des cartons et palettes en bois. L'homme s'est ensuite emparé d'un véhicule de l'entreprise pour prendre la fuite. Fuite qui a été vite interrompue puisque l'homme a dû rentrer chez lui après avoir été victime d'un accident de voiture à... Pas été prudent, les gars. L'incident a rapidement été maîtrisé par les pompiers et la police a rapidement arrêté l'ouvrier qui a avoué son geste en garde à vue. Il devrait être jugé en comparution immédiate, pour incendie volontaire et pour les dégâts causés par la dégradation du matériel, ce qui a perturbé le bon fonctionnement de l'entreprise. L'homme a effectué ce geste pour se venger de son employeur qui lui avait refusé une augmentation de salaire. Bon. Il y en a qui l'ont payé cadeau. Bon. Autre chose, André. Il est midi 34. 1, 2, 3, 4. Ça fait 1, 2, 3, 4. Ça fait 1, 2, 3, 4. Vous devriez dire à tous les jours, ça. 1, 2, 3, 4. Vous devriez avoir un jingle. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Hey, la science d'Avatar, tu penses que c'est réaliste, ça? Avatar? Avatar. J'ai pas vu encore Avatar. Non plus. Hey, là, franchement, qu'est-ce que ça fait? Ça a l'air, c'est bon, ça a l'air, pas bon, personne se branche, scénario pas assez évolué, pis si, patata. Mais le visuel est très bien. Le visuel est le scénario très est boiteux, pis ça. Ah, là, hein. Très on sait plus. Beau. Ben oui, hein. On va voir ça, se mettre des belles lunettes comme Xavier Nolan pour aller voir un film en trois dimensions. Est-ce qu'il faut se peigner pareil? Hein? Imagine quand t'as ces lunettes-là, pis que tu regardes un film de même, les cheveux se peignent tout seul de même. Hein? Écoute, des montagnes qui flottent, des plantes qui brillent, des oiseaux assez gros pour servir de monture. Les producteurs d'Avatar n'ont pas seulement laissé libre cours à leur imagination, ils ont fait des efforts d'une ampleur inhabituelle au cinéma pour asseoir leur imagination dans le camp de la science. Mais je pense que c'est quand même un certain bout de temps, une dizaine d'années, qu'on travaillait là-dessus. Ouais. Là. Donc, écoute, moi, j'ai pas été voir le film. Je vais sûrement y aller parce que ça doit être encore au cinéma. Ça... Je crois que oui, ouais. OK. Donc... C'est un gros blockbuster pour rester assez longtemps. Ouais. Bon, ben c'est ça. Donc, on dit que Pandora, le monde où se déroule l'histoire, là, est une lune grouillante de vie tournant autour d'une planète gazeuse géante comme Jupiter. Donc, cette planète Polyphémus occupe une large partie du ciel de Pandora dans des proportions qui semblent réalistes. Donc, d'emblée, l'idée de placer l'action sur une lune reflète l'évolution de l'astronomie de ces 30 dernières années. Les lunes de Jupiter et de Saturne sont révélées si différentes de notre propre lune qu'il y a bien des experts qui évoquent désormais que la vie pourrait peut-être naître même sur certaines lunes placées dans des conditions particulières que juste, par exemple, sur une planète. Moi aussi, je pense des fois peut-être qu'autour de Jupiter, les petites lunes qui sont là, peut-être pas là, mais c'est dans un phénomène semblable, mettons... une grosse planète, donc si on avait un plus gros soleil, une grosse planète, des petites lunes autour, peut-être que sa grosse planète, ça serait plutôt hostile, mais peut-être qu'il y aurait des petites lunes autour qui se créeraient un phénomène un peu comme nous ici, là, de chaleur puis de réaction bactérienne, ce qui ferait en sorte. Enfin. Donc, c'est ça. Est-ce que c'est réaliste de penser que dans un autre monde, on puisse voir un monde qui nous est présenté comme dans ce film-là? C'est sûr et certain que c'est là, mais on dit bien qu'on s'est vraiment penché depuis longtemps, on a fignolé tout ça, donc c'est sûr et certain qu'on a peut-être mis plus d'efforts dans fignoler le monde, la base de ce monde, que l'histoire, l'histoire qui va se dérouler là, peut-être, mais en fait c'est certain que on regarde juste nos petites histoires de nous au quotidien. Il y a tout un monde qui s'est élaboré, qui s'est construit pour que nous, on ait nos petites activités au quotidien comme ça. Donc, peut-être qu'ils ont négligé un peu le scénario, mais parce qu'ils voulaient, je pense, davantage nous montrer la réalisme d'un monde potentiel éloigné dans l'univers. Si on prend en considération que c'est impossible qu'il y ait une seule planète sur la quantité de possibilités, de phénomènes semblables dans l'univers, si c'est si grand, ça peut pas être aléatoire au point que d'avoir un exemplaire de chaque. Et ça se peut pas, là. Je veux dire, si on retrouve différents phénomènes de galaxies semblables puis d'évolution, l'explication la plus plausible serait de dire qu'on est les premiers. Vrai. Bon. Nous ne sommes pas seuls. Nous ne sommes pas seuls dans ce grand monde, hein? Ouais. On va aller voir Avatar, qu'est-ce que t'en penses? Ben oui, bonne idée. Okay. Faut vraiment voir le ça. Mardi, 5 pièces. C'est pas cher. C'est un phénomène de culture populaire. Et si vous voulez aller le voir, allez donc au Cinéma du Cap. Cinéma du Cap. Qui annonce sur nos ondes. Donc, Cinéma du Cap. Ben oui, Cinéma du Cap. Les bancs sont plus confortables. Tu mets ta liqueur. Un petit peu incliné, tu peux mettre ta liqueur, t'as de la place. Il n'y a jamais vraiment de pépins. Non. Et puis, les planchers sont propres, c'est pas du tout gommant. Tout à fait, espace de stationnement, il y a le centre d'achat en même temps. Pharmacie, tout, tu peux tout faire dans ce... Et voilà, donc Cinéma du Cap, Avatar, et on peut aller sur le site, on peut, n'importe quand on fait Google, là, Cinéma Trois-Rivières, puis ils vont vous amener Cinéma du Cap. Là, c'est dans la compagnie Ciné Entreprise. Tout à fait, vous allez avoir toute l'information là, sur la programmation, les tarifs. Les tarifs extrêmement peu chers. Et voilà. Du cinéma du Cap. J'ai été voir et c'est encore le numéro 1 du box-office stable. Ça a fait un cumulatif jusqu'à maintenant là, de 10 609 777 au box-office québécois. Et plein. Et dans le box-office américain, 493,3 millions de dollars américains. C'est toujours en première position. Bon. Wow. Mais ça commence à rentabiliser l'énorme somme d'argent qui ont été investis dans ce film. Et voilà. Et si vous allez le voir, Avatar, en 3D, peut-être que le 3D, apparemment que certains gens, ça leur donne des maux de tête ou de cœur. Parce qu'il y a des gens qui sont sensibles à ça. En Grande-Bretagne, imagine-toi, André, qu'une entreprise a mis au point une arme d'un tout nouveau genre. C'est un rayon laser qui fait vomir ceux qui le touchent. Ah. Donc, même plus besoin d'aller voir un film en 3D pour vomir. Cette arme devrait pouvoir éloigner les pirates somaliens qui sévissent dans le golfe d'Aden. Le laser qui coûte 55 000 livres, là, ça dit 63 000 euros. Est-ce que tu... dollars canadiens, pas tellement de conversion là-dedans. 370, comment? Combien? 63 000 euros. 63 000 euros. 55 000 livres. 55 000 livres ou 200 000 bières. Ah oui, tant que ça. Ben, les livres sterling, je pense, c'est quasiment... C'est par deux? Non, c'est par deux. À peu près 100 000 $. Ouais, c'est double. D'accord. Le double comme faux. Donc, ce laser-là est capable d'affecter la vision et de provoquer des nausées et un sentiment de désorientation, et ce pendant 30 minutes. On l'appelle C-Laze. L'arme est constituée de 3 rayons laser qui ne peuvent être filtrés. Ainsi, il serait difficile d'échapper à ses effets peu engageants, mais pas mortels. Ce laser pourrait permettre aux équipages des bateaux de se prémunir d'attaques pirates au large de la Somalie dans le golfe d'Aden. En effet, ce passage pour le canal de Suez est réputé pour ses attaques de pirates. Proform, l'entreprise à l'origine du laser, espère que celui-ci pourra dissuader les pirates, mais également protéger d'autres sites tels que les aéroports ou les centrales nucléaires. OK, c'est pas beau ça sur l'heure du midi. André. Oui. Continuons en musique. Voilà, c'est parti. Ben, allons-y, Mathieu. Ah, Soulite is a footfall par Air. Et ça, je sais que Danny aime ça. Donc, s'il est à la maison puis qu'il a subi une attaque de laser puis qu'il est en train de se vider un petit peu partout, ça va lui faire plaisir. Alone. présentation de musique Daniel Côté, 1645 rue Royale, Trois-Rivières. Plus qu'une quinzaine de minutes avant fin de ce dîner de con, André. Ben oui, ça s'en vient la fin de ça. Ben oui, ça s'en vient. Ça sent la fin. Ça sent la fin. Ça sent la cafétéria aussi. Bon, Trois-Rivières, on ne sait pas trop si c'est une résolution pour 2010, mais du moins, pour le conseil municipal de Trois-Rivières, on a bien fait les choses lundi dernier en permettant au greffier, Maître Gilles Poulin, de donner un peu d'explication sur les points inscrits à l'ordre du jour des séances publiques, tu sais, depuis un certain temps, là, enfin, ça brasse à l'hôtel de ville de Trois-Rivières. On clame le manque de transparence, l'attitude antidémocratique. Mais là, ça semble revenir un petit peu. On a réintégré une politique qui avait été initiée sous le maire Guy Leblanc à l'époque et puis qui avait tenu jusqu'à l'été 2007. À ce moment-là, le maire, l'évêque avait décidé de retirer cette politique pour accélérer le processus là, le soir les lundis soirs des conseils municipaux. Cette politique qui a été retirée, c'est juste qu'il y a un greffier. Que le greffier, ce qu'il fait, c'est qu'il va lire l'ordre du jour, puis il va l'expliquer pour rendre ça un peu plus compréhensible aux gens, parce que des fois, c'est peut-être les énoncés sont peut-être un peu compliqués. C'est ça. Donc, on se dit, c'est une initiative de M. Croteau, conseiller du district de Sanctuaire, qui a proposé à ses collègues de qu'on ramène un peu cette façon de faire les choses comme on faisait avant. Puis on se dit, de toute façon, on a mobilisé nos lundis soirs pour faire une réunion de conseil municipal. Alors, ouais. Ça sert à rien d'essayer d'être expéditif, puis de vouloir tout accélérer. Prenons le temps qu'il faut pour expliquer aux citoyens. C'est vrai. De quoi il en retourne, pour que les citoyens peuvent poser les bonnes questions. Sinon, on est en train de museler les citoyens qui veulent poser des questions. Si on ne comprend pas tout ce qui se passe et tout. Donc, je pense que c'est pratique. Puis c'est pratique aussi pour quelqu'un qui décide. C'est pas parce que tu décides ce soir, on est lundi, d'aller pour la première fois. Je ne sais pas si ce soir. Enfin, si tu décides d'aller à une réunion du conseil municipal pour la première fois, tu vas peut-être apprécier de te faire expliquer comment ça marche. Parce c'est que ça ne veut pas dire que tu vas pour la première fois, que tu comprends tout ou que tu comprends rien, mm-hmm. premièrement. Mais avec une bonne présentation, tu pourras déjà, dès la première réunion, poser des questions. Et non, aller là pendant des mois avant de pouvoir te faire une idée sur qu'est-ce qui se passe et puis prendre connaissance des dossiers. C'est comme un téléroman. Quand tu embarques dedans au quatrième épisode, ils font un résumé des épisodes d'avant. Là, ben oui, c'est ça. Tu comprends. Exactement, ouais. Exactement. T'as tout compris, mon gars. En fait, c'est ça. On rétablit finalement cette pratique qui a pour but par le greffier, Maître Gilles, mon Dieu, je l'ai nommé un peu plus d'eau, Maître Gilles Poulin, je crois. Est-ce que Poulin, oui, Poulin. Poulin. Et voilà. Son but, c'est d'expliquer, de vulgariser l'information pour les citoyens. Ben oui, puis tu sais, je veux dire, à un moment donné, c'est bien beau vouloir se dépêcher parce que, bon, il faut que tu ailles manger ton TV dinner, il faut que tu ailles nourrir tes poissons, tout ça. Mais la soirée du lundi est là pour prendre notre temps puis expliquer les choses comme il faut pour faire les affaires correctement. C'est ça, exactement. Ah. Voilà. Ben, tu vois, une jeune femme, elle, a été accusée d'avoir tué les trois poissons rouges de son voisin, elle. Et c'est... Ben oui. Mais la police n'a pas pu fournir de preuves concluantes et le procès a été annulé. Tu vois, des fois, on s'occupe de choses vraiment très importantes dans la vie. Ben oui. C'est vrai. Chantelle Amies, 19 ans, avait été accusée d'avoir empoisonné l'aquarium de son voisin avec de l'eau de Javel. Cependant, la police n'ayant pas fait analyser l'eau, la cour a décidé que le procès était inutile. La police avait cependant retrouvé les empreintes de la jeune femme sur l'aquarium ainsi que sur une bouteille d'eau de Javel retrouvée dans la maison. Quel drôle de hasard. Des fois, quand les preuves sont comme ça, t'as pas besoin d'avance. Un petit peu, tu peux faire le lien. Ouais. Le ministère public a appelé trois témoins pour témoigner de l'odeur de Javel qui émanait de l'aquarium. Cependant, aucun n'a pu voir ce qui s'était réellement passé le soir du crime. Peut-être que l'eau de Javel est tombée par hasard dedans. Quelqu'un s'est enfargé dedans. Puis, la police a déclaré ne pas avoir testé l'eau car cela aurait coûté trop cher. Le procès pour le meurtre de trois poissons rouges d'une valeur de 8 euros aura pourtant coûté 2200 euros aux contribuables. Voilà. Bon. Les autres se sont sûrement fait expliquer ça. Voilà. Voilà. Je suis zinzin. Là. Voilà. Louis de Funès. Louis de Funès. Je suis zinzin. Là. Voilà. Ah, j'aime ça tes imitations. Ça devrait en faire plus souvent. Ah, faudrait. OK. Pas question de modifier le CA de la STTR, la Société de Transport de Trois-Rivières. Moi, je l'appelle la STETR. La STETR. Pourquoi? Ben parce que la Stetter. La Stetter. La Stetter. Ça, c'est un mot avec. Selon la Stetter. La Stetter. Alors, il faudra vraisemblablement attendre encore avant d'assister à une modification, quelle qu'elle soit, de la composition du conseil d'administration de la Société de transport de Trois-Rivières. La loi fixe à 7 le nombre de membres et limite à 2 ceux qui proviennent de l'extérieur du conseil municipal. On se rappelle que la conseillère du district de Marie de l'Incarnation, Sylvie Tardif, avait tenté de proposer qu'on remplace Carole Côté par Alexandre Gauthier comme représentant des usagers. Alexandre Gauthier du QTR, là? Ben oui, notre Gauthier national, parce qu'elle alléguait alors que M. Gauthier, en tant que vice-président de l'Association générale des étudiants de l'UQTR, représentait un bassin important d'usagers, donc ce serait quelqu'un qui pourrait un peu représenter une communauté, une bonne partie de la population qui utilise les services. Ah. Donc, à ce moment-là, il y aurait son mot à dire sur la manière dont est géré le réseau de transport. Elle l'espère bien. Elle avait alors mentionné qu'elle ne croyait pas que M. Côté, un proche collaborateur du maire Yves Lévesque, prenne l'autobus régulièrement. Ah. Donc, peut-être que M. Côté serait peut-être moins à même d'analyser tous les jours. Là. Ben, c'est quand t'as une limousine, à un moment donné, tu t'as remarque la limousine. Remarque que ça, c'est facilement attaquable comme argument, ouais. Parce que c'est pas parce qu'on gère. Je pense pas que le président de je sais pas quoi, une compagnie de je sais pas moi, de voitures smart se promène nécessairement en smart. Il y en a sûrement une, peut-être, mais. Tu sais, je veux dire, je comprends que ça fait toujours un peu plus impliqué dans la communauté si M. Côté se promène en autobus. Oui. Même il pourrait le dire, mais il n'y a pas à protéger, il n'y a pas à se défendre. Il est sur le conseil d'administration, ils ne veulent pas changer la composition du conseil d'administration. Puis lui, ben, pour aller travailler, faire sa job ou pour aller assister aux réunions du conseil d'administration, il peut prendre sa voiture s'il veut. C'est pas parce qu'il s'agit d'autobus qu'il faut qu'il prenne l'autobus. Je comprends que Martin Matt ne doit pas pouvoir se promener en Corolla. Mais il faut qu'il se promène en Toyota. Mais ouais. Il a peut-être le droit d'avoir une Ferrari, tu sais, ou. Ouais. Pas sûr qu'il ait le droit d'avoir juste des Honda, là. Non, c'est sûr, mais j'avoue, peut-être pas juste ça. Mais tu sais, mettons, on prend l'analogie, mettons, de quelqu'un qui serait sur le CA de C'est Fou, mettons. Oui, OK, par exemple. Écouterait sûrement plus C'est Fou, espérons-le, parce qu'il faut que le produit soit au courant du produit. Absolument. Il peut écouter d'autres choses, mais. Disons que ça serait un argument intéressant aussi. C'est ça. Donc, M. Croteau, pour éviter tout imbroglio, allez vous promener dans les autobus. Un peu. Et découvrez votre si beau réseau. Ben voilà. Voilà. Hein? Je sais pas, il me semble que c'est logique d'au moins utiliser le produit que tu es supposé connaître. Ben, à tout le moins, l'essayer pour voir, même incognito, là. Ouais, pour, mais je sais pas si l'essayer une fois serait assez pour être au courant de qu'est-ce qui se passe dans le réseau de la Stetter. Ben, en tout cas, du moins, c'est sûr que le prendre tous les jours pour. Non, ben non. Ben, enfin, le prendre et le utiliser, être, devenir un peu utilisateur ouais. Pour comprendre comment ça fonctionne, mais c'est parce que bon, enfin. Mais, en tout cas. OK. Mais, ouais, mais bon. Mais, non. Ça, on aurait dit les comment ils s'appellent ça, les Onyx. Les qui? Ah, mais toi, tu connais pas ça. Ben non. T'es ben trop 1645 rue Royale, Trois-Rivières. C'est presque la fin du dîner de cons pour ce lundi 25 janvier. Aux dernières nouvelles, on est encore là demain. Toi. Ben oui. On va être là. Compte demain, dès 11h, à C'est fou, 89.1 FM. Merci beaucoup, Mathieu, d'avoir remplacé Danny. Merci à toi, André, d'avoir gardé la place. Hein. Ben, je vais sortir, puis je vais essayer de voir où est brandu mon ballon, là. Puis, de toute façon, Danny a tout ce qu'il faut à bord. Hein. Il y a de la bouffe, des bâtons. Très confortable, mon ballon. Tu as mis un coussin? Il y a un coussin, il y a un petit frigidaire, il y a tout ce qu'il faut pour se faire une petite bouffe. Il peut juste être tranquille puis se reposer avoir ce beau ballon. Bon, là, on se rappelle qu'il est allé faire un petit tour de ballon, ouais, là, ben, la météo, puis c'est tout parti. Ça. C'est juste ça, c'est juste peur qu'il m'en ait qu'il vire trop. Là. On le trouve plus. On ne trouve pas. En tout cas, on va vous en reparler demain. Parfait. Ben oui, ben je vais il va nous raconter ça. Me raconter ça. Moi, je vais être à l'écoute. Oui, il va raconter là, finalement comment il a contribué à ramener le ballon. Bon, ben. Si tu nous écoutes, Danny, appelle-moi parce que je vais t'expliquer. Là, si t'as été assez bright avec les ordinateurs qu'il va réussir à trouver le GPS puis ramener le ballon. On l'espère. Hey, j'ai une belle petite histoire chez les enfants. Passez une bonne journée sur les ondes de C'est fou. Moi, je vous retrouve à 15h. Bye. Bye. Salut. Bye, bonne journée, André. Bonne journée, Mathieu. C'est fin.